Arc-en-Ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical jusqu'à 20h, ça se passe comme ça, le maximum de soleil. Bienvenue à tous si vous venez nous rejoindre du compas, du zouk tout au long de cette soirée avec plein de nouveautés mais aussi des vieux trucs hein, parce qu'on adore ça. Du zouk rétro, du compas Guyane, du compas vintage. Et on va commencer tout de suite. Non, c'est pas vintage ça, hein, c'est tout neuf, c'est tout bon. C'est Michel Guillaume. 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Yes. spécial groupe tropical. Je vous parlais de nouveautés tout à l'heure. Eh bien, voilà une. Hein. Ça est sorti il y a quoi? Un petit peu plus d'un mois. Meryl avec Calypso. Moi, j'adore. À genoux sur le 96.2. On va parler tout de suite d'un grand concert qui a eu lieu ce week-end avec Famiji. On a pu découvrir, eh bien, son tout nouveau single. Elle a fait un tabac. Je peux vous dire que c'était vraiment phénoménal. En tout cas, sur le 96.2, on écoute tout de suite ce titre. C'est fou, pas. Puis on se fait un petit coup de souvenir tout de suite après, juste avant Fanny. Je suis sûre que vous allez chanter dans les chaumières. 18h-20h, c'est votre émission Groupe Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne. Je vais la chance. Je sais pas ce que je lui ai fait. Le mien a décroché. La moitié du temps cette année. Il dit qu'il travaillait. Mais je n'y crois pas, tu je sais. Il est souvent jaloux. On fait même plus l'amour. Il change de meurtre. Je pars qu'il gère une autre peau dehors. Baby, baby, faut pas jouer avec mon cœur, faut pas blaguer. Baby, ce soir, je veux la vérité, faut pas blaguer. Baby, faut pas. Qu'on en discute à trois ce soir. De la bouche d'une autre, il comprendra. Peut-être qu'entre nous deux, ça ne va pas. Il vient juste de rentrer. C'est bizarre, cette fois je la connais. Attends, je vais te présenter. Non mais je rêve, qu'est-ce que tu fais là? Alors tu faisais le jaloux. matin, prochaine ta journée. Toujours secoué, chaque fois on essaye d'expliquer. Tout ça on fait dans la vie, qu'il y ait conséquence. Est-ce que vous pensez, moi toujours être jeune? Mais vous vivez l'utilité, qui est-ce qu'on campe à faire de même? Yeah. non, baby, non, non, je veux pas rester seul. Qui coule, non, ven moi qui fait un pire. Et il m'a pas encore quitté qu'elle m'a dominé. Si l'amour n'a pas d'accord, chérie, c'est pas une raison pour quitter tout seul. Pour quitter tout seul. La guerre n'a fait moi, chérie, qui l'aime tout seul. Fatigue comme c'est léger, moi plein d'eau. Aïe, mon essai, moi mes têtes, moi dans chaud. Connais la vie à pas facile. J'ai ou pas besoin de parler en pile. C'est le café, l'esprit tranquille. J'ai eu tant pis. T'aimes tout seul. Ou qui t'aime tout seul. La game n'a fait moi, j'ai eu. L'aime tout seul. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical à 18h-20h. C'est Chantal qui vous accompagne. Allez, petite séquence Zouk Rétro tout de suite pour tous les fanatiques. Et c'est le groupe Transit. On va dedans. 16h-18h pour Tropical.

Malgré notre disque, je crois toujours en nous. C'est un groupe de 5 artistes que vous connaissez très bien. Jessie Bellaval, Patrick Hillman, chanteur du groupe Kassav, Jean-Pierre Dumas aussi, David Martial, et Julie Desmarieux. On va y arriver. Allez, on va continuer comme ça sur le 96.2. Restez bien fidèles sur la bonne fréquence. Le Zouk, le compas, tout de suite, c'est côté avec Rissou. 18h-20h, votre émission Croûte Tropicale. Si vous ka chavire l'esprit moi c'est où moi en vie pour pas ka jure tout bon bien comprendre ça j'ai pas calé vers côté si où moi côté moi pas dit tout fou vers côté côté moi ka fri côté j'ai pas calé vers côté si où moi côté moi pas dit tout fou vers côté côté moi ka fri côté non

Sur Arc-en-Ciel à chaque jeudi 18h-20h. Et quand tombé sous moi, qui finit tout. les sentiments que tu disais. Toi pour moi, laisse-moi te dire encore une fois, comme je te désire dans ton fond de moi. Je veux être avec toi lorsqu'il n'existera plus rien sur terre. Nécessaire, tu n'auras qu'à dire. ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Matin, ma pente en dans la caïla. Je viens avec madame, tout habillé comme s'il bat là. Tim côté, allez, qui s'acte fait wap entre y aller ça? Il dit des sorties avec sa vieux Christelle. Pourtant, sa Christelle mettait dans mille soirs. Fait j'en dis, j'aime gal bien passer. Les dix mesdames, y'a souffert la ben mal, ben mal pour me déplacer. Mais dis, madame, ouais, m'gal, ouais, famille, moi. Les dix n'y pas, ouais, famille, tout. Les rivets en le cal blodé, à Akmans, aime, ouais, croisé. Thank you. that kiss. All the freaky things we do, let it stay between me and you, you know what I'm saying? It's facts. Nobody has to know, though, if I give you that closure. Que moi fais pas. Et où que décide? sur Arc-en-Ciel dans votre émission Groupe Tropical. C'était un grand retour en arrière que je vous ai proposé tout de suite avec une légende, le groupe mythique Les Aiglons. Bon, je sais pas si c'était dans les années 80, 90. En tout cas, sur le 96, modèle, j'ai fait plaisir à quelques-uns et moi aussi. À suivre tout de suite dans votre émission Groupe Tropical. Tiens, monsieur, comment qu'il s'appelle, Franck Nara. Et puis tout de suite après, ce sera deux nouveautés compas sur le 96.2. Allez, 18h-20h, votre émission Groupe Tropical. Et c'est Chantal qui vous accompagne. On s'est aussi des fermes flashées, et moi vraiment frissonné. L'émotion envahie que moi. Pas à pas nous avancer sans connaître. Ça nous voulait dire non. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. ti menaj, pa bo mantil nan sam. Nou kon fè dérapaj, men toujou etan sam. Yeah. Si se pou love entre nou pa manke, ki depi mwen pa kapa sou flambe. Ni bon bel bout en bas, bel ni de deux ni de face. Oui bon bel bout en bas, et ti manje le Picasso, yeah. Même jaloux pire que la juge. Si n'a pas et nous pas table ou nous tantou. Quand c'est bon, j'en chavirai ma et moi. Il est contrôlé, moi, l'alzim. J'ai dit, c'est même groupe tropical, la petite nouveauté et puis eh bien, tout nouveau groupe aussi Apachidiz c'est un groupe qui on va dire créé par Tite Joseni, bien sûr vous le connaissez de Créola, moi j'aime bien moi mettre café sur le 96.2. Allez on va continuer comme ça, non il nous reste encore un bon petit quart d'heure à passer ensemble. Plein de bonnes choses, vous allez voir. Ça va bouger d'ailleurs tout à l'heure. La fiesta! Il n'y avait pas d'histoire, mon âme sœur. Il n'y avait pas les fêtes, il n'y avait pas le cœur. Oh, que sourire, mon âme sœur. Si c'est le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. I'm not qu'à combler. Après ou franchement, t'es pas guédé. Fini en précoce, j'ai ma courite de l'eau. Tellement nouillé. J'aime croiser souvent qu'elle me prend sauter. C'est l'amour lié. En couleur. En couleur. Sexy coule ka imite pi mélange dadal. Femme sa silita mwen dem lo ak diamant batman. Pa kase matin midi swa li ap bambil. Ça fait si toutes amies moi après t'es un imbécile. Je m'en gèle boisé, rien le bagage, ça va foutre illégal. Tellement mauvais, même la police prend vite des balles. Quand mon s'est passé, yo team li bloqué toute ville. Pas besoin de faire li même seul, même les boum chic. Game bad guy. Game bad guy, game bad guy, game bad guy. Chel chaje bagay, gen bagay. Gen kote pou pou bagay, gen bagay. Oui, mam zel chaje bagay, gen bagay. His girl is a blessing, blessing a blessing. She give me the loving, loving a loving. She call me a loco boy, me a call her Angelina. Me tell her say she dangerous more than gasoline. Femme ça en balle naturelle, il fait nègre pétérelle, c'est pas zoom qui pour faire ouais les bombes. Les ma gardelle, pas d'homme, moi fly pour soi, ça bien frappé, mais ça m'y manque tombe. Les chats tirés depuis ses côtés, elle va se doubler, c'est ma vieille bouillon tombe. I this girl, la fire, fire, can you tell somebody plus que les bombes? Game bad guy, game bad guy, game bad guy. Ouais, mon chel chargé bad guy, game bad guy. Côté pour bon bagaille, gen bagaille. Oui, mamzelle chargé bagaille, gen bagaille. Mamzelle chargé, chargé, chargé bagaille nan men li. Mamzelle chargé, chargé, chargé bagaille. Game bad guy, game bad guy, game bad guy, game bad guy. When we shall charge bad guy, game bad guy. Get caught up in the bad guy, game bad guy, game bad guy, game bad guy, game bad guy. When we shall charge bad guy, game bad guy. Get caught up in the bad guy, game bad guy. Mose charge. Oui, c'est ça qui fait.

Et bien voilà, il est presque 20h sur la FM Tout en Couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien jeudi prochain. Même heure, même endroit, même soleil sur le 96.2. Et puis, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Ah, ben non, si, un petit peu. Vibe over them. Every man find a girl, yeah, we flying out again. Okay then, we not play no game. Anything, we not follow the trend. Yeah, party 10 out of 10, 10 out of 10, 10 out of 10, 10 out of 10. Okay then, we not play no game. Anything, we not follow the trend. Bubble up, read him up like Jay. Turn me up, give it time for bubble up. Every man they find a girl, yeah, full of vibration. The night man explosion, like dynamite. Trouble up. My thing, we not need no lighting. Can't wait for me, but leave us like a side chain. Don't stop it, I love it the way you riding. Nice thing. Party turn up 10 out of 10. Mad vibe over them. Every man find a girl, yeah, we flying out again. Okay then, we not play no game. Anything, we not follow the trend. Yeah, party 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. Okay then, okay. We not play no game. We now follow the trend. Arc-en-ciel 96.2. La FM em couleur. O foi feito esta tarde pelo Ministro da Agricultura. O Chega não concorda com a escolha de Hernani Dias para um dos cabeças de lista do PSD. André Ventura diz que os social-democratas já não se importam de manter pessoas condenadas ou com suspeitas éticas e acusa Luís Montenegro de estar desorientado. Pedro Nuno Santos considera que este governo não tem uma estratégia para a economia do país e o PPM admite ir para a justiça se PSD e CDS continuarem a usar o nome Aliança Democrática nas eleições de maio. São temas a desenvolver na edição das 7. Neste final de tarde estão 14 graus no Porto, em Coimbra e em Faro. Lisboa está com 15. Nas ilhas, quer Ponta Delgada, quer Funchal, estão com 15 graus neste final de tarde. Vamos então para o Jornal das 7. A edição é de Diogo Miguel Pereira. O Ministro da Agricultura anunciou hoje apoio às explorações agrícolas com prejuízos superiores a 30% para quem ficou afetado pela tempestade Martinho, que passou pelo país há uma semana. As candidaturas abrem, diz o Ministro, daqui a uma ou duas semanas. José Manuel Fernandes explicou de que forma vão ser atribuídos os apoios. Tem vários escalões, até aos 5 mil euros é 100% do apoio, até aos 50 mil, dos 5 aos 50 mil é 85%, e dos 50 mil até aos 400 mil, o nosso apoio é de 50%. No apoio ao rendimento máximo por beneficiário é de 42 mil euros. Até agora, os regulamentos europeus só permitiam a reposição da capacidade do potencial produtivo. Agora, a nosso pedido, temos um regulamento europeu e graças à nossa intervenção, que permite também o apoio ao rendimento, utilizaremos os dois. No fim de contabilizarmos os prejuízos, veremos se é necessária alguma linha de crédito de apoio para aqueles que não chegam aos 30% ou alguns auxílios de Estado. É algo que temos agora de avaliar. As explicações deixadas por José Manuel Fernandes, o Ministro da Agricultura, visitou esta tarde um dos campos de produção de morangos afetados em Torres Vedras, no distrito de Lisboa. Este foi o setor mais afetado pela tempestade Martinho. Anunciou então que os agricultores que tiverem prejuízos até 5 mil euros vão ser apoiados a 100%, é um dos vários exemplos que ouvimos aqui por parte do Ministro da Agricultura. O Chega acusa o PSD de já não se importar importar de escolher para cabeças de lista pessoas que tenham sido afastadas do governo devido a polémicas ou suspeitas. Em causa, a escolha de Hernani Dias para cabeça de lista da coligação PST e CDS por Bragança. André Ventura acusa Luís Montenegro de estar desorientado com esta mudança de estratégia. Aparentemente, a lógica do PSD de afastar pessoas suspeitas ou condenadas ou pessoas com suspeitas de éticas sobre elas, acabou. Quer dizer, nós tivemos o caso de Hernani Dias, que foi secretário de Estado, que saiu porque tinha aberto uma imobiliária enquanto era governante, e afinal vai liderar a lista do PSD por Bragança. Então, quer dizer, não dava para ser governante, mas dá para ser cabeça de lista por Bragança. Isto mostra a desorientação do Montenegro. Mas mais, o autarca de Boticas, o Dr. Fernando Queiroga, foi condenado judicialmente por crimes económicos, e está na lista do PSD por Vila Real em lugar elegível. Os exemplos usados por André Ventura para criticar as escolhas do PSD e CDS, a coligação para as legislativas, André Ventura não concorda com as escolhas, com a escolha, por exemplo, de Hernani Dias como cabeça de lista por Bragança. André Ventura falou esta tarde aos jornalistas na Amadora. Pedro Nuno Santos considera que este governo não tem uma estratégia para a economia do país, depois de ter defendido um novo relatório que aponte quais as áreas prioritárias em que se deve apostar, porque os recursos do país não são limitados. Pedro Nuno Santos defende também a necessidade de se traçar uma estratégia clara para a economia nacional, porque, diz o líder do PS, neste momento parece não existir nenhuma. Na minha leitura, nós não temos uma estratégia, este governo não tem uma estratégia para a economia portuguesa. Se a tem, não é capaz de a verbalizar nem de a apresentar ao país. Levam quase um ano do governo e eu tenho dificuldade em perceber o que é que o primeiro-ministro e o governo querem para a economia portuguesa. E verdadeiramente este é o nosso maior desafio, conseguirmos desenhar uma estratégia que permita a transformação mais acelerada da economia. Pedro Nuno Santos, esta tarde,